Bonjour à tous. Alors voilà un petit podcast pour qu'on apprenne la chanson Banoua qui se trouve à la page 262 de votre livre. Donc je vous laisse prendre votre livre Planète Musique à la page 262. Donc cette chanson, c'est une chanson traditionnelle du Liberia. Donc le Liberia, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un canon, comme vous voyez que c'est écrit en dessous du titre. Et puis le canon, donc je vous rappelle qu'en fait c'est plusieurs phrases mélodiques qui peuvent être chantées en même temps. Donc si vous regardez votre partition à la page 262, on va en fait apprendre les quatre premières portées. Et en fait elles sont numérotées, vous voyez, il y a un grand 1 entouré après le 2, 3 et 4. Donc ces quatre phrases en fait peuvent être chantées les quatre en même temps et ça sonnera juste. Vous verrez qu'au niveau du texte c'est pas très très compliqué, les mots se répètent. Donc au niveau du texte, la première ligne c'est Banoua, Banoua, Banoua yo. D'accord ? Donc trois fois le même mot puis après yo. Alors je vous le fais une fois puis après vous répétez avec moi. D'accord ? Donc ça fait Banoua, Banoua, Banoua yo. Avec moi, 3, 4. Banoua, Banoua, Banoua yo. On y va encore une fois, 1, 2, 3, 4. Et Banoua, Banoua, Banoua yo. Très bien. La deuxième phrase, c'est les mêmes paroles, simplement que les notes sont un petit peu plus aiguës. Je vous le fais écouter une fois. Banoua, Banoua, Banoua yo. Avec moi, 3, 4. Banoua, Banoua, Banoua yo. Tout le monde ensemble, la deuxième ligne. 3, 4. Banoua, Banoua, Banoua yo. Ok, on fait les deux premières lignes à la suite. 1, 2, 3 et 4. Banoua, Banoua, Banoua yo. Deuxième ligne. Banoua, Banoua, Banoua yo. Très bien. On y va à la troisième ligne. Donc vous écoutez. Neni alano. Donc les mots c'est neni alano. Hein. Donc ça fait neni alano, neni alano, neni. Et là c'est la fin de la troisième. D'accord ? On y va la troisième. 3, 4. Neni alano, neni alano, neni. C'est le début de la quatrième phrase, hein, le neni de la fin. C'est normal que ça, on a l'impression que ça coupe. Ok ? La dernière phrase, elle est très simple, si vous regardez la partition, c'est que les mêmes notes, que des do. Donc ça fait Alanoa, Banoua, Alano, Alano. Je sais pas si j'ai fait juste. Donc je vous le fais depuis le neni de la fin de la troisième ligne. Donc ça fait Neni, Alano, Banoua, Alano, Alano. Avec moi depuis le neni, 3, 4. Neni, Alano, Banoua, Alano. Alano. Ok, les 3 et 4 sont faites pour être chantées ensemble. Hein. On y va depuis la numéro 3, on fait 3 et 4 à la suite. 3, 4. Neni alano, neni alano, neni alano, banoua alano, alano. Oui, très bien, on fait les mêmes avec un petit peu plus d'accompagnement au piano. Depuis neni alano, depuis 3ème. 1, 2, 3, 4. Neni alano. Neni alano, neni alano, banoua alano, alano. On va depuis le début, 3, 4. Banoua, banoua, banoua yo. Banoua, banoua, banoua yo. Neni alano, neni alano, neni alano. Banoua, alano, alano. Voilà. Alors, vous avez vu, elle est très simple. Hein, vous pouvez la chanter quelques fois pour être bien sûr, comme ça on peut l'utiliser pour les autres activités que j'aimerais faire. Si vous voulez la chanter en canon, vous pouvez, il faut que vous l'appreniez à d'autres personnes de votre famille, à vos grands frères, vos parents, je sais pas. Et puis en fait, il faut que chaque fois que quelqu'un reprenne une nouvelle phrase, l'autre personne reprenne au début. Donc par exemple, si vous commencez vous faites la première phrase, dès que vous commencez sur le banoua de la deuxième phrase, la deuxième personne va commencer au début. Hein, puis chaque fois ça se décale comme ça, vous pouvez aller jusqu'à 4 personnes différentes, donc en décalé. Voilà!